Seigneur, nous te remercions. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes rien. Tu nous as aimés tels que nous sommes, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci. Nous bénissons ton nom ce soir. Sans toi, nous sommes perdus. Et nous avons besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Merci, Seigneur. Ce soir, nous sommes ici une fois pour recevoir cette parole. Bénis-nous, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour nous aider de recevoir cette parole. Prépare nos cœurs, touche nos cœurs, change nos vies. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus et tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Wow. I'm happy to see you. Je suis content de vous voir. Alléluia. Amen. It will be blessed. Et je crois que ce soir tu seras béni. Yeah. Okay. Last week we spoke about a few things. La semaine passée nous avons parlé de certaines choses. Alléluia. Amen. We spoke directly to our girls and our women. Nous avons directement parlé à nos filles et à nos femmes. Alléluia. Amen. Our women. Alléluia. And I believe that et je crois que tu es béni. Alléluia. Amen. And we talked about what? Nous avons parlé de quoi? Get understanding. Ma fille acquiert l'intelligence. Yeah. Amen. And I'm sure that you are getting understanding. Et je suis sûr que tu es en train d'acquérir l'intelligence. It's unfortunate that the men are more than the women. C'est dommage que les hommes soient plus nombreux que les femmes. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. Next week, if you have a daughter around, if you have a girl around, la semaine prochaine, si tu as une fille, bring the person. Apporte-la. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. As shepherds, one of the things that you need to do. En tant que berger, l'une des choses que tu dois faire. When you are coming to church. Quand tu viens à l'église. You must always come with a sheep. Tu dois toujours venir avec tes brebis. Hallelujah. Amen. As a shepherd, you didn't come alone. En tant que berger, tu ne dois pas venir à l'église seul. Hallelujah. Amen. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah, it's going to help the person. Ça va aider la personne. Because when you come, you are blessed. Parce que quand tu viens, tu es béni. So, are you trying to say that your sheep should not be blessed? Donc, est-ce que tu es en train d'essayer de dire que ta brebis ne doit pas être bénie? Hallelujah. Amen. And if you are a sheep, et si tu as une brebis, allow your shepherd to bring you to church. Permet à ton berger de t'amener à l'église. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. Always a shepherd bring a sheep with a person. Go and take the person and bring the person to church. Berger, toujours venez avec quelqu'un. Allez-y chercher la personne et amenez-la à l'église. Hallelujah. Amen. The person will be thanking you all the time. La personne va te remercier tout le temps. Hallelujah. Amen. Because of the word of God. À cause de la parole de Dieu. Amen. Amen. Daughter, get understanding. Ma fille acquiert l'intelligence. Hallelujah. Amen. Are you with me? Why do you have to get understanding? Pourquoi est-ce que tu dois acquérir l'intelligence? Why? Pourquoi? Because of what? À cause de quoi? Oh, that's what we did last week. Ce que nous avons vu la semaine passée. Ou bien? Is it not that? N'est-ce pas? So, tell me something. Donc, dites-moi quelque chose. Yeah, easily deceived. Facilement trompé. Yeah, you are easily deceived, so get understanding. Tu es facilement trompé, donc acquiert l'intelligence. If you have that understanding that you are easily deceived, si tu as la compréhension que tu es facilement trompé, you will be careful. Tu vas faire attention. Hallelujah. Amen. You decide not to be easily deceived. Tu vas décider de ne pas être trompé facilement. Hallelujah. Amen. If you are a daughter, si tu es une fille, you can't just accept the proposal just like that. Tu ne peux pas juste accepter une proposition comme ça. Proposal for marriage. Une proposition du mariage. You just come and say yes, I agree. Ça vient juste et tu dis ok, j'accepte. You have to, you can't be easily be deceived. Tu n'as pas être facilement trompé. Hallelujah. Amen. Because a lot of men, they don't tell the truth. Parce que plusieurs hommes ne disent pas la vérité. Yeah, they don't tell the truth. Ne disent pas la vérité. You say, I love you, but he's looking at somebody. Il dit, je t'aime, mais il regarde à quelqu'un d'autre. Who is standing by you. Qui se tient à côté de toi. So, get understanding. Donc, acquiert l'intelligence. Hallelujah. Amen. Amen. Are you there? Êtes-vous ici? What else? Why do you have to get understanding? Quoi d'autre? Pourquoi est-ce que tu dois acquérir l'intelligence? What else? Because what? Satan is working against you. Parce que Satan travaille contre toi. Hallelujah. Amen. Yeah. You are the first enemy of Satan. Tu es le premier ennemi de Satan. Hallelujah. Amen. So if you have that understanding, donc si tu as cette compréhension, you will be spiritual. Tu seras spirituel. You will pray. Tu vas prier. You read the Bible. Tu vas lire la Bible. You'll be filled with the power of God. Tu seras rempli de la puissance de Dieu. Amen. So that Satan will not get you easily. Afin que Satan ne va pas t'avoir facilement. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. So if you want to, I don't want to go over. I don't want to go over. J'ai pas envie de revenir dessus. Hallelujah. Amen. I want to do something new. On veut faire quelque chose de nouveau. But are you blessed? Are you here? Mais êtes-vous ici? Êtes-vous béni? Hallelujah. Tonight, I want to talk about tonight the message for the girls. Ce soir, le message est pour les filles. Hallelujah. Amen. Are the men there? Est-ce que les hommes sont ici? Are you happy? Êtes-vous content? Don't say that, oh, tomorrow, next week I won't come. Ne dites pas que la semaine prochaine, je ne vais pas venir. Because the message is for because you learn something. Parce que tu as appris quelque chose. Hallelujah. Amen. The temptation test. Les tentations des filles. Temptations. Les tentations. Hallelujah. Amen. You know, every type of person has temptations. Chaque personne a des tentations. Hallelujah. Amen. Yeah. If you're a pianist, you have temptations. Si tu es un pianiste, tu as des tentations. That I'm not a pianist, so I don't have. Je ne suis pas un pianiste, donc je ne les ai pas. Or, ou bien. Yeah, you have temptations. Je n'ai pas des tentations. If you are a man, men, we have temptations. Les hommes, nous avons des tentations. That's different from the temptation of women. Qui sont différents des tentations des femmes. Hallelujah. Amen. If you're a doctor, you have temptations. Si tu es une fille, tu auras des tentations. If you're a doctor, si tu es un docteur, tu auras des tentations. Yeah, you have a temptation that somebody who is not a doctor will not have. Tu auras des tentations qu'une personne qui n'est pas docteur n'aura pas. Or, ou bien. Yeah, it's true. C'est vrai. It's true. If you're a student, you have temptations. Si tu es un étudiant, tu auras des tentations. That somebody who is not a student will not have. Que quelqu'un qui n'est pas étudiant n'aura pas. Hallelujah. Amen. So everybody has temptations. Donc tout le monde a des tentations. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. If you are from, for example, Gabon. Si tu reviens du Gabon, par exemple, you have some temptations that somebody who is a Ghanaian will not have. Tu auras certaines tentations qu'un Ghanaien n'aura pas. Or? Ou bien. Yeah, true. Uh-huh. And a Ghanaian will have a temptation that you, Gabonese, you don't have. Et un Ghanaien aura des tentations que toi, Gabonais, tu n'auras pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? But tonight we are looking at temptations of daughters. Mais ce soir, nous regardons les tentations des filles. Hallelujah. Amen. Because the daughters, they are special. Parce que les filles, elles sont spéciales. Elles sont spéciales pour nous. Hallelujah. Amen. And we want to help them. Et God wants to help them. Et Dieu veut les aider. Amen. Amen. Because you like it or not, one who marry a daughter. Que tu le veux ou non, un jour tu vas épouser une fille. Hallelujah. Amen. And either you influence your wife or your wife will influence. Soit tu influences ta femme ou ta femme va t'influencer. Hallelujah. Amen. You know that. Est-ce que tu sais ça? You know that. Tu sais ça? Yeah, the woman influences the woman. La femme influence l'homme et l'homme influence la femme. So, whether you like. Donc que tu le veux ou non. Hallelujah. Amen. Are you there? Yeah. So, Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapitre 1. Verse 9. Verset 9. A temptations of daughters. Tentations des filles. Hallelujah. Amen. I believe you will be blessed. Je crois que tu seras béni. temptations of daughters. Ecclesiastes chapter 9, verse 1. Chapter 1, verse 9, sorry. Chapter 1, verse 9. Are you there? The thing that had been, it is that which shall be. And that which is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Is there anything whereof it may be said, see, this is new? It had been already of old time, which was before us. Ecclésiastes chapitre 1, à partir du verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alléluia. Amen. Yeah. There's nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. It's been before. Donc ce qui a été, that's what will come to pass. C'est ce qui sera. So as a woman, donc en tant que femme, with direction, avec une direction. Hallelujah. Amen. As a woman who is wise, en tant qu'une femme qui est sage, would have to learn, tu vas devoir apprendre what has passed before, ce qui s'est passé avant. Hallelujah. Amen. Or will learn from experience from other people. Où tu vas apprendre des expériences d'autres personnes. Amen. Amen. You know, I was saying that wisdom. Vous savez, je vais dire que la sagesse. Older people, they don't need wisdom. Les vieux n'ont pas besoin de sagesse. It's younger people who need wisdom. Ce sont les jeunes qui ont besoin de sagesse. Hallelujah. Amen. Yeah. Because if you are 70, 80. Parce que si tu as 70, what are you going to use the wisdom for? À quoi est-ce que tu vas utiliser your life, la sagesse? You finish your life. I mean, almost. Tu as presque fini ta vie déjà. Hallelujah. Amen. But if you are 20. Mais si tu as 20 ans. You are 15. Tu as 15 ans. You are 25. Tu as 25 ans. You are 30. Tu as 30 ans. You are 40. Tu as 40 ans. You need more wisdom. Tu as plus besoin de sagesse. Because you have more decisions to take. Parce que tu as plusieurs décisions à prendre. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Every day you have decisions. So you need more wisdom. Chaque jour tu prends des décisions. So that you don't make a mistake. Tu as besoin de plus de sagesse afin que tu ne fasses pas une erreur. Hallelujah. Amen. So as a woman, you need wisdom. Donc en tant que femme, tu as besoin de sagesse. And one of the wisdom is to know the temptations. Et l'une des sagesses est de connaître les tentations qui peuvent venir vers toi. So that you pray or you get God. So that you pray or afin que tu pries et que tu acquiers la sagesse de Dieu. To overcome these temptations. Pour surmonter ces tentations. Hallelujah. Amen. You know, a woman, as a woman. Tu sais, en tant que femme, in this life, ton but dans cette vie, it's not marriage, oh. C'est pas le mariage. Per se. Soi-disant. Per se. Soi-disant. Hallelujah. Amen. Or to bring forth children. Ou de mettre au monde des enfants. Hallelujah. Amen. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Êtes-vous ici? Yeah. Yeah. Your purpose is to serve God and to do the will of God. Ton but est de servir Dieu et de faire la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you there? Êtes-vous là? Yeah. So, the first woman, donc la première femme, was tempted, a été tentée. Yeah. Oui. So it has happened before. Donc c'est déjà arrivé auparavant. So it means that you can be tempted. Donc ça veut dire que toi aussi tu peux être tentée. As a woman. En tant que femme. In chapter 3, verse 6. Genèse 3, verset 6. Eve was tempted. Eve a été tentée. Hallelujah. Amen. Yeah. And a woman saw that the tree was good for food and it pleasant and the tree to be desired to be wise. She took off the fruit and eat and unto her husband with her. He did eat. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Hallelujah. Amen. Yeah. So Eve was tempted. You also you'll be tempted. Eve a été tentée. Donc toi aussi tu seras tenté. Hallelujah. Amen. So I think that it's very important that you know the temptation. Donc je crois que c'est très important que tu saches les tentations qui peuvent venir à toi. The few temptations that we have. Donc voyons quelques tentations que nous first avons. Temptation, la première tentation is a temptation to marry an unbeliever. C'est la tentation d'épouser un incroyant. Hallelujah. Amen. Yeah. temptation. La tentation. You know, it's sometimes very it's very funny. Parfois c'est très amusant. Hallelujah. Amen. That you have Christian men around. Qu'il y a des hommes chrétiens autour. But you go and marry a believer. Mais tu vas marier un incroyant. That's what you want to see. That's what you want. C'est ce que tu veux. Hallelujah. Amen. Yeah. The other time somebody was saying that, oh, the Christian sisters. La dernière fois, quelqu'un disait que a Christian brother was saying that Christian sisters. La dernière fois, un frère chrétien disait que les sœurs chrétiennes. Say that, oh, you are my brother. Dis que, oh, tu es mon frère. But we are not of the same mother. Mais vous n'êtes pas de la même mère, vous voyez. You see Christian brothers as your brother. Tu vois les frères chrétiens comme tes frères, c'est pas possible. Biological brother, it's not biological brother. C'est pas ton frère biologique, ou bien. Hallelujah. Amen. Yeah. It's a great temptation. C'est une grande tentation. Yeah. I'm sure the sister can testify here. Je suis sûr que les sœurs peuvent témoigner. Certaines elles peuvent en témoigner. That they are tempted. Qu'elles sont tentées. Some have even tried before. Certains ont même essayé. Or is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. I'm sure that some even are here now. Je suis sûr même qu'il y a certains sont ici who are contemplating. Qui sont en train d'observer. They've received the proposal. Elles ont reçu la proposition. And they are waiting to say yes or no. Et elles attendent à dire oui. From ou non. A believer, an unbeliever. D'un incroyant. Hallelujah. Somebody Amen. Who is not a Christian. Une personne qui n'est pas chrétien. Let's read the verb. Maybe you think that maybe I'm Christian. 2 Corinthians, I'm waiting for you. Je vous attends. 2 Corinthians, are you there? Êtes-vous là? Yeah. We are reading together. Take your Bible. Nous lisons ensemble. Prenez vos Bibles. We are in church. Nous sommes à l'église. Oh. Amen. Corinthians 6:14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Fellowship hath righteousness with unrighteousness. What communion has light with darkness? 2 Corinthiens 6:14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Hallelujah. Amen. Yeah. Christian sisters. Donc plusieurs sœurs chrétiennes are tempted. Sont tentées. The Bible says that we cannot be together with unbelievers. La Bible dit que nous ne pouvons pas être joints avec les incroyants. Yeah. As a man, you can't go and take an unbeliever sister. En tant qu'un homme, tu ne peux pas aller prendre une fille qui n'est pas chrétienne. Et marier la possible. Personne. C'est pas possible. You can, a Muslim. Tu peux pas marier une musulmane. Hallelujah. Amen. Yeah. As a sister, you can't marry a Muslim. En tant que man, fille, Muslim. Tu peux pas marier un musulman. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. This is the verse. This is the verse. This Ça, c'est the le verset. Verse. This is a verse. C'est le verset. That will guide you and say that no. Qui va te guider? Tu vas voir que non. Hallelujah. Amen. Yeah. You see. God, is it your will? Tu vois qu'il n'est pas croyant, mais tu vas prier Dieu. Est-ce ta volonté? Est-ce ta volonté? Is it your will? Est-ce He's nice. C'est joli. He has money. Il a l'argent. He is nice, a nice Il man. Est beau. Hallelujah. Amen. That's all the thing that you want. Il a toutes les choses que tu désires. It doesn't make person. It's not. It doesn't make it the will of God. Ça ne fait pas de ça la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen. Because you are looking for. Parce que c'est ce que tu cherches. When you look person, quand tu regardes la that's personne, what you are looking for. C'est ce que tu recherches. It doesn't make it the will of God. Ça ne fait pas de ça la what volonté makes de Dieu. It the will of God is this verse. Ce qui fait en sorte que c'est la volonté de Dieu, c'est ce verset. If the person is not an unbeliever, si la personne n'est pas croyant, hallelujah. Mm-hmm. Are you with me? Mm-hmm. If the person is not an unbeliever, you cannot. Si la personne est une personne incroyante, tu ne peux pas. You cannot. Tu ne peux pas. You cannot. Tu ne peux pas. Hallelujah. Amen. Because sometimes you have an unbeliever who is tender. Et show much love. Parce que nous avons des incroyants qui sont tendres, qui montrent beaucoup d'amour. Or, ou bien. Is it true or is not true, sisters? C'est vrai ou c'est faux, les sœurs? Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So it's a temptation. Donc c'est une tentation. It's a temptation. C'est une tentation. Wow. Wow. Is it a temptation to you? Est-ce une tentation pour toi? Is it a temptation? C'est une tentation? Are you sure? Es-tu sûr? Forgive. Pardonnez. You know, and it happened, most of the time, it happened to those, for example, those who wait when they are getting older. Ça arrive plus à celles qui attendent quand elles sont déjà vieilles. Older. Elles deviennent 30, plus en 34, plus 30 ans, 34 ans, 35, 36, 37, 38 ans. See that the woman is 38. Tu vois que la femme a 38 ans. And she has bounced a lot of boys. Et elle a rejeté plusieurs garçons. Now the age is coming. Maintenant l'âge vient. Then you see an unbeliever coming. Et elle voit un incroyant qui vient. Then you are tempted. It's, like, it's a great temptation. Et tu es tenté. C'est une grande tentation. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? You know, as a girl, you know that there is a, we call something a flower age. En tant que fille, on appelle quelque chose la fleur de l'âge. You know that? Est-ce que c'est ça? Est-ce en français? Yeah. The age that you are very beautiful. L'âge où tu es très jolie. And you see that a lot of boys will be coming. Et tu vas voir que beaucoup de garçons vont venir. Yeah. And when that age passes, et quand cet âge passe, see that, Charlie? Tu vas voir que Charlie. It's real. It's a real. C'est réel. It's real. Most of you now, maybe you're in your flower age. Plusieurs d'entre vous maintenant, peut-être vous êtes dans la fleur de l'âge. Getting there. Vous êtes en train d'y arriver. Hallelujah. Amen. Second temptation. Deuxième tentation. Temptation to trust in your beauty. La tentation de croire en ta beauté. Yeah. Temptation to trust in your beauty. La tentation de faire confiance à ta beauté. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Do you understand what I mean? Est-ce que vous comprenez? Proverbe 31. Proverbe 31. Verset 30. Proverbe 31. Proverbe 31. Verset 30. Proverbe 31, verset 30. The Bible says, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman who fear the Lord, she shall be praised. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Hallelujah. Amen. You think that, oh, with your beauty, and you can marry, tu penses, or you can charm somebody. Tu peux te marier ou charmer quelqu'un. You will invest in your beauty. Tu vas investir dans ta beauté. Use beauty for a lot of things. Tu vas utiliser ta beauté pour plusieurs choses. Hallelujah. Amen. Somebody's husband. Tu vas utiliser ta beauté pour prendre le mari de quelqu'un. Yeah, it happens all the time. Ça arrive tout le temps. Hallelujah. Amen. There was a woman who took somebody's husband. Il y avait une femme qui a pris le mari de quelqu'un. They said, the man is married. On a dit, oh, l'homme est marié. So, oh, I'm beautiful than his wife. Elle a dit, oh, je suis plus belle que sa femme. You don't know that he also, one day, he also leave you and go for another person. Et tu, ça va, un jour aussi, il va te laisser, il va aller trouver quelqu'un d'autre. Hallelujah. Amen. Beauty. La beauté. Yeah, beauty. A lot of girls, they think they are beautiful, then they are bluffing. Beaucoup de filles pensent qu'elles sont belles, donc elles se vantent. They don't want to serve God. Elles ne veulent pas servir Dieu. Yeah. Beauty. La beauté. Proud. Et elles sont orgueilleuses. Is it true? C'est vrai ou c'est faux? Sometimes they are beautiful than other girls. Parfois, ils pensent qu'elles sont plus belles que d'autres filles. Hmm? You know, vous savez, tout le monde est beau. Everybody is every lady is beautiful. Toutes les filles sont belles. So don't let somebody deceive you. Donc ne laisse pas quelqu'un te tromper. Don't let the devil deceive you. Ne laisse pas le diable te tromper. You are beautiful. Tu es belle. Everyone is beautiful. Tout le monde est beau. Where are the girls? Où sont les filles? You are beautiful. Tu es belle. All of you. Vous toutes. Oh? Ou bien. You are beautiful. Vous êtes belle. You are beautiful. Vous êtes belle. Raissa. Raissa. You are beautiful. Tu es belle. You are beautiful. Olan. Momo. Momo. Dorcia. Olan. Dorcia. I don't know this person's name. Je ne connais pas le nom de cette fille. Deschamps. Deschamps. Ah, yeah. This is the third time. Deschamps. Deschamps. You are beautiful. Tu es belle. All of you are beautiful. Vous toutes, vous êtes belle. Anlo. You are beautiful. Anlo. Oh? Yeah. Who is telling you you are not beautiful? Is it the devil? Tell the devil you are beautiful. Dis au diable que tu es belle. When you get home, look into the mirror. Quand tu vas à la maison, regarde dans un miroir. You are wonderful. Tu es merveilleuse. Made, created, crafted. Tu as été façonné. Oh, I try. Tu as été façonné. You are wonderfully created. Tu es merveilleusement créé. You are designed. Tu as été. Tu as été formé. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? God took his time to design you. Dieu a pris son temps pour te créer. Yeah. God took time to make you beautiful. Dieu a pris son temps pour te rendre belle. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah, because some people think that they are not beautiful. Parce que certaines filles pensent qu'elles ne sont pas belles. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Don't walk in self-pity. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Self-pity. Self-pity. Do you know self-pity? Yeah. S'apitoyer. Pardon? S'apitoyer sur son sort. Ah, okay. Hmm? Everyone is beautiful. Toutes les Psalm 139, verse 14. Psaume 139, verset 40. Verse 14. Verset 14. Psalm 139, verse 14. Are you here? Psaume 139, verset 14. Do you like the word? Aimez-vous la parole? Are you sure? I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous is other works. And that my soul knoweth right well. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Hallelujah. Amen. God took time to create your nose. Dieu a pris son temps pour créer ton nez. Your eyes. Tes yeux. You know, the girls, they have tender eyes. Vous savez, les filles, elles ont les yeux tendres. Tender eyes. Les yeux tendres. Huh? When you go and look into the mirror and look at your eyes. Quand tu rentres, regarde dans un miroir et regarde tes yeux. Tu as les yeux tendres. Do you like the word? Yeah. You know, tender eyes. Here is not only your eye, can be your eyes, but not about your eyes, physical eyes. Et quand on parle des yeux tendres, c'est pas forcément tes yeux physiques. Hallelujah. Amen. Maybe your smile. Ça peut être ton sourire. Maybe the way you receive people. Ça peut être la façon dont tu reçois Maybe the way gens. You talk. Ça peut être la façon dont tu parles. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. That's what called the tender eyes of daughters. C'est ce que Dieu appelle les yeux tendres des filles. Hallelujah. Amen. Yeah, the way you organize things at home. La façon dont tu organises Maybe you are melancholic. Peut-être tu es mélancolique. So everything is neat in the house. Donc tout est net dans la maison. You have, that's your tender eyes. C'est ça tes yeux tendres. Yeah. Amen. Yeah. If you have a nice smile. Peut-être tu as un joli sourire. Yeah. That's your tender eyes. C'est ça tes yeux tendres. You know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? So you are beautiful. Everybody is beautiful. Donc tu es belle. Yeah. Amen. Yeah. You answer softly. Tu réponds de manière douce. That's your tender eyes. Ça, ce sont tes yeux tendres. Are you with me? Mm. Yeah. So everybody is beautiful. Donc tout le monde est beau. So don't let the devil deceive you. Ne laisse pas le diable te tromper. Yeah. Songs of Solomon, chapter 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Should I continue? Dois-je continuer? Songs of Solomon, chapter 1, verse 5. Cantique des Cantiques, 1:5. Songs of Solomon, chapter 1, verse 5. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Are you there? Êtes-vous là? Yeah. I am black, but comely. O ye daughters of Jerusalem. As the tent of Kedar and the curtains of Solomon. Look upon me. Look not upon me because I'm black, because of the sun, but has looked upon me. Mother's children are angry with me. They made me the keeper of the vineyard, and my own vineyard have I not kept. Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon. For why should I be as one that turneth aside by the flock of thy companion? Wow. Cantique des Cantiques, 1, à partir du verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kedar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais perdre tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Hallelujah. Amen. Yeah, you are black. You are black and comely. You are... If you are fair, you are beautiful. If you are black, you are beautiful. Si tu es clair, tu es belle. Si tu es noir, if you are tall, you are beautiful. Si tu es grande, tu es belle. Si tu es mince, if you are fat, si tu es grosse, you have beauty. Tu as la beauté. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Yeah, because beauty lies in the eyes of the beholder. Wow. La beauté repose dans l'œil de la personne qui voit. Yeah. The person who's looking. La personne qui regarde. Will see beauty. Va voir la beauté. Yeah. I'll see beauty, but when you see, maybe you won't see beauty. Moi, je vais regarder, je vais voir la beauté, mais peut-être toi, si tu regardes, tu ne verras pas la beauté. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Yeah. Yeah. Wow. Wow. Are you here? Êtes-vous ici? Yeah. Should I continue? Dois-je continuer? You people, I think I should stop here. Je pense que je dois arrêter ici. Hallelujah. Amen. So, you see, beauty can be a temptation. Donc la beauté peut être une tentation. To make you proud. Pour te rendre orgueilleuse. Hallelujah. Amen. But I'm talking to somebody who feels that you are not beautiful. Mais je parle à quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas belle. Hallelujah. Amen. Yeah. You are beautiful. Everyone is beautiful. Tout le monde est beau. Hallelujah. Because beauty depends... Has, because of beauty depends on many factors. La beauté dépend de plusieurs facteurs. It can be your dress. Ça peut être ta robe. It can be your hair. Ça peut être tes cheveux. It can be your makeup. Ça peut être ton maquillage. It can be what else? Your what? Your behavior. Ça peut être ton caractère. Hallelujah. Amen. Yeah. So many factors. Donc plusieurs Sometimes facteurs. Brothers are confused. Parfois les frères sont confus. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Whether beauty, Because of this practice. À cause de ces facteurs. Because sometimes you do the hair. Parfois, parce que parfois, ils vont you faire do pony. Me, I like pony. Moi, so j'aime le chignon. Is it pony? Is it, do you know what is pony? What is tu pony? Sais, c'est quoi le chignon? Ah, chignon. What is that? What is that? Ah, what is that? Yeah, I like pony. Moi, j'aime le chignon. Oh, it's nice. Donc, quand tu fais le then chignon, tomorrow, c'est beau. You leave the hair. All the hair like this. Maintenant, demain, tu peux descendre les cheveux. Are you the same person? Je vais dire, oh, es-tu la même personne? So sometimes brothers are confused. Donc, parfois, les frères sont confus. Today, dress, wear some dress. So, oh, you are looking nice. Aujourd'hui, va porter et tomorrow, une robe. Another dress. Et demain, une autre robe et tu vas voir, eh. So beauty depends on a lot of factors. Donc, la beauté dépend de plusieurs facteurs. Amen. Amen. Yeah, that's what sometimes I told ladies. Dress well. Voilà pourquoi... You should know the dress that fits you. Voilà pourquoi on dit aux filles, habillez-vous bien. Tu dois connaître les habits qui te vont. Hallelujah. Amen. Because it's not because somebody is wearing a dress that is looking nice on the person. C'est pas parce when que you wear it, maybe it will be not nice on you. C'est pas parce que quelqu'un a mis un habit qui est bien avec elle que quand tu vas le mettre, ce sera bien avec toi aussi. Or you see Beyoncé who done some hair. Ou tu vas voir Beyoncé a fait une coiffure. And you two you go and do the same. Et toi aussi tu vas aller faire la même. You look like a monkey. Maybe. Tu vas ressembler à un âne. Hallelujah. Are you with me? Yeah, I'm encouraging you. Je suis en train de vous encourager. With the word of God. Avec la parole de Dieu. That you are beautiful. Que tu es belle. Don't walk in self-pity, then you will make yourself. Me, I'm not beautiful. Ne t'apitoie pas sur ton sort et tu vas te dire, oh, moi je ne suis pas belle, qui va m'épouser? You are beautiful. Tu es belle. Hallelujah. Amen. And brothers, don't be confused. Et les frères, ne soyez pas confus. Don't be confused. Ne soyez pas confus. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. But spirituality is preferred to beauty. Mais la spiritualité est préférée à la beauté. Hallelujah. Amen. Like the scripture we read in Proverbs chapter 31 verse 30. Comme le verset que nous avons vu en Proverbe 31 verset 30. Is that what we read? Proverbs 31, verse 30. Proverbs 31, verse 30. The favor is what? Deceitful. Okay. Are you there? Êtes-vous là? Favor is deceitful. But beauty is vain. Mm-hmm. But a woman that fears the Lord, she shall be praised. La yeah? grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Yeah. Amen. Your beauty is vain. La beauté est vaine. It's important. It's not, it doesn't mean that it's not important. It's important. Ça veut pas dire que c'est pas important. C'est important. But it's vain. Vain because of what? Because it fades away. Mais c'est vain parce que ça s'en va. It fades away. Fades away. Ça s'en va. Hallelujah. Ça s'efface. Ça s'efface. Ça fade. Yeah. It fades. Yeah. Ça fade. Hallelujah. Amen. Beauty fades. La beauté fane. Amen. Amen. Are you with me? Yeah. Yeah. Yeah. That's why you shouldn't allow beauty to be a temptation. You overcome the temptation of beauty. Voilà pourquoi you tu will vas not be beautiful. La tentation you will not be de la the beauté. Same forever. Tu ne seras pas la même pour toujours. Yeah. A lot of you, when you give birth, you see that your form has changed. Plusieurs d'entre vous, quand vous allez donner naissance, vous allez voir que votre forme va changer. Yeah. You no more have a waist. Vous n'aurez plus de. You don't have a, you see that. Your body is this. Is one. Amen. Vous n'aurez plus de taille. Vous verrez que votre corps aura la, sera droit. What am I saying? Am I saying something wrong? Am I saying something wrong? Please forgive me, okay? Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Yeah. But don't think that your charm, donc, your beauty, charme, ta beauté, will give you a good marriage. Va te donner un bon mariage. Yeah, because I'm beautiful, then you are. It's not, parce que it's je suis belle, donc beauty. Tu te. Non, ça ne, il ne s'agit pas de la beauté. Marriage is about beauty. Le mariage ne concerne pas la beauté. Yeah. Mm-hmm. You see that when you marry, right, the person will not even see. Tu vas voir, quand tu vas te marier, la personne ne va même pas remarquer ta beauté. Yeah. One day I came to church. Un jour, je suis venu à l'église. With my wife. avec ma femme. Then we saw ES. Et nous avons vu ES. And he said, hey, your wife, she's beautiful. Have you seen it? Et that's oh. Et elle s'est dit, oh, ta femme, elle est jolie. Est-ce que tu l'as vue? Et j'ai dit, oh, mais je n'avais pas remarqué. Yeah, you will not see. Tu ne vas pas voir. Hallelujah. Amen. It's not that you don't. I mean, it's not about beauty. Ça ne concerne pas la beauté. Marriage is not about beauty. It's very important, but it's not about beauty. C'est très important, mais ça ne concerne pas la beauté. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. When the difficult times come. Quand les moments difficiles arrivent. You see that, Charlie? Tu vas voir que Charlie. When you do your hair, girl, we haven't seen your hair. Quand tu fais tes cheveux, on ne va même pas remarquer. You bought new dress, girl. We haven't seen that in you. We thought it's old. Tu as porté un nouveau habit, mais on va penser que c'est un ancien. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. So it's a temptation. Donc c'est une tentation. The third temptation. La troisième tentation. The temptation to sleep with many people before marriage. La tentation de coucher avec plusieurs personnes avant le mariage. Are you getting understanding? Est-ce que vous êtes en train d'acquérir l'intelligence? Are you getting wisdom? Est-ce que vous êtes en train d'acquérir la sagesse? Yeah. Temptation. La tentation. It's unfortunate that some people who didn't come today. C'est dommage pour certaines personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui. Some daughters didn't come. Quelques filles ne sont pas venues aujourd'hui. They've already slept with a lot of people. Ils ont déjà couché avec plusieurs personnes. Yeah. They are not here. Elles ne sont pas ici. Are they here? They are not here. Oh. Est-ce qu'elles sont ici? Elles ne sont pas ici, n'est-ce pas? They are not here. Elles ne sont pas ici. They didn't come. They didn't come. They Elles ne sont come. Pas venues. Temptation to sleep with a lot of people. La tentation de coucher avec plusieurs In search of personnes love. À la recherche de l'amour. Ladies, let me give you one secret. Les filles, laissez-moi vous donner un secret. Of men. Des hommes. Of boys. That they don't want you to know. Qui ne veulent pas que vous sachiez. They don't want you to know. Ils ne veulent pas que vous sachiez. Those boys, they are not here. Ces garçons, ils ne sont pas ici. Are they here? They are not here. Est-ce qu'ils sont ici là? Non, non, non, ils ne sont pas ici. They didn't come. Ils ne sont pas venus. Yeah. A secret. Le secret. Should I say? Vas-je dire? The boys, should I say it? Les garçons, devrais-je dire? Ladies, after they sleep with you, les filles, après qu'ils ont couché avec toi, ils ont oublié. As if nothing has happened. Comme si de rien ne s'était passé. Comme si... Yeah. Nothing has happened. Rien ne s'est they passé. Come, oh, la fille sera, oh, il va dire, oh. It's finished. C'est fini. It's finished. C'est fini. So you think that, oh, I'm going to give myself to him, then love me more. This is, oh. Tu penses que oh, je vais me donner à lui, donc il va m'aimer plus. Oh, non. He's waiting for the next girl. Il attend la prochaine fille. Oh, la la, oh, la la. Oh, la la. For the next. Il attend la prochaine. Are you getting wisdom? Est-ce qu'on est en train d'acquérir la sagesse? So you shouldn't give yourself to any boy. Donc tu ne dois te donner à aucun garçon. Who has not paid the bride price? Qui n'a pas payé la dot? Yeah. Yeah. You should keep yourself. Tu dois te conserver. Don't be tempted. Ne sois pas tenté. Don't use your body that your body because of your body the person will love you. N'utilise pas ton corps comme moyen de guérir l'amour de quelqu'un. Sometimes the boys will come if you love me. Parfois les garçons vont venir si tu m'aimes. If you love me. Si tu m'aimes. Then give yourself. Donc donne-toi. Go and buy chocolate for him. Va acheter le chocolat pour lui. Go and buy chocolate for him. Va acheter le chocolat pour lui. Don't give your body to him. Ne lui donne pas ton corps. Are you getting understanding? Est-ce que vous acquérez l'intelligence? Are you getting understanding? Est-ce que vous comprenez? all the relationships. Toutes les relations. All the ladies, I'm telling you. C'est pour vous. It's for you. C'est pour vous. Somebody can propose to you. Une personne va venir te proposer. Are you ready to marry me? Es-tu prêt à m'épouser? C'est la question que tu dois poser. Are you ready to marry me? Es-tu prêt à m'épouser? Or first you tell me I'm not ready. Ou alors premièrement tu dis moi je ne suis pas prête. If you are not ready, tell them I'm not ready. Si tu n'es pas prêt, je ne suis pas prête. Because any the relationship that God has sanctioned in the Bible. Parce que la relation que Dieu a sanctionnée dans la Bible is the relationship unto marriage. La relation que Dieu approuve dans la Bible, c'est la relation qui va au mariage. Yeah. Relationship unto marriage. La relation qui va so au when mariage. We are starting a relationship, it's unto marriage. Donc quand tu commences une relation, c'est pour te marier. So if you are not ready for marriage. Donc si tu n'es pas prêt à te marier. What are you starting a relationship for? Donc pourquoi est-ce que tu commences la relation? What are you starting a relationship for? Pourquoi est-ce que tu commences la relation? It's for sex. C'est pour le sexe. So if you start a relationship that is not for marriage, then in the next 6 or the next 1 year, in the next 1.5 years, when it's 3 years, you are not ready. Donc, quand tu commences une relation, ça doit être dans les prochains 6 mois, 1 an et demi. Et si c'est 3 ans, c'est que tu n'es pas prêt. You are not ready. Tu n'es pas prêt. Tell the boy, I'll marry in 3 years, but now I'm not ready. Dis au garçon, je vais me marier dans 3 ans, mais maintenant je ne suis pas prête. Do you understand what I'm saying? So, comprenez ce because que je if dis. You start, parce que si tu commences, you will have sex. Tu vas avoir des rapports sexuels. It will happen. Ça va arriver. Because your blood is hot. Parce que ton sang est chaud. The girl's blood is your blood. Le sang de la fille et toi aussi ton sang. They are hot, so ils sont chauds. Donc, when they meet, donc quand ils se rencontrent, il y a le feu. Yeah. Oui. Yeah. Yeah. That's why I like how I said, if you are not ready, 2 years is maximum. Voilà pourquoi Lighthouse on dit 2 ans maximum. Because we have seen, we have had a lot of relationships. Parce que nous avons eu beaucoup de relations. 3 ans, 4 ans, ils ont forniqué, ceci, cela. Et le garçon a dit, je ne suis plus intéressé. Et il regarde à une autre personne. Il dit, oh, je ne l'aime plus. Après les rapports sexuels, je ne l'aime plus. Nous en avons vu beaucoup. Donc ne l'apporte pas toi-même. We know. Nous savons. We know. Nous savons. Oh, we want to marry in 4 years. Oh, on veut se marier dans 4 ans. It's for sex. Ça, on sait que c'est pour le sexe. And after the boys, yeah. After sex. Et voilà, comme je vous disais, les garçons après le sexe. Tu vas voir que. I think that maybe I don't love you. C'est comme, je pense que je ne t'aime pas. Oh, I'm no more interested. Je ne suis plus vraiment intéressé. Let's think about it again. Let's talk. Prenons notre temps. Parlons. Let's talk again. Parlons encore. Let's review the relationship. Revoyons la relation. whether it will work or it will not work. Ça va marcher ou ça va pas marcher. They will create problems. Et tu vas voir qu'ils vont créer des problèmes. They'll be angry with you. Something small and they're angry. Petite chose, ils seront fâchés contre toi. See that, Charlie? See that the relationship no. Tu vas voir que la relation ne fonctionne pas. Tu vois que la chose ne fonctionne pas. Most of the attractions. Plusieurs des attractions. Most of the attractions. Do you know what it is? Vous savez c'est quoi? Oh, yeah, when I don't see you, I can't sleep. Oh, quand je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. When I don't hear your sweet voice. Quand je n'écoute pas ta douce voix. I can't sleep. Je ne peux pas dormir. You didn't call me today. Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui. I love you so much. Je t'aime tellement. I will swim across the atmosphere. Je vais nager. Je vais traverser l'océan à la nage. Go and see. Va those voir. Who are swimming in the boat, Océan Atlantique, they are drowning. Ceux qui nagent dans l'océan Atlantique sont en train de se noyer, sont en train de mourir. Yeah. All those feelings, do you know what this is for? Tous ces sentiments, c'est pourquoi? It's for sex. C'est pour le sexe. It's not love. Ce n'est pas l'amour. 99%. C'est pour le sexe. Think about it again. Réfléchis encore. Pense à cela. temptation to sleep with a lot of people. La tentation de coucher avec plusieurs personnes. Tu vas voir que tu vas coucher avec celui-là. Tu vas coucher avec celui-là, ça ne va pas marcher. Ensuite, tu vas coucher avec quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher parce que tu cherches l'amour. Mais c'est l'amour de Dieu dont tu as besoin. Amen. The love of God. L'amour de Dieu. I love you the way you are. Je t'aime comme tu es. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. Help Aida sing some song. Help Aida a chanté un chant. Ah, yesterday they sang the song. Hier, ils ont chanté un chant. À Kodesh. Yeah. Nice song. Un joli chant. If you love me, si tu m'aimes, you will not sleep with me. Tu ne vas pas coucher avec moi. Amen. Yeah. You don't sleep. It's not sex. Ce n'est pas le sexe. If you love me, it's not sex. Si tu m'aimes, c'est pas le sexe. So you don't sleep with me. Donc ne couche pas avec moi. Oh? Ou bien? Yeah. If you love me, you sleep with me. Si tu m'aimes, tu ne vas pas coucher avec moi. So the boy, don't bring your tricks. Donc, garçon, n'apportez pas vos pièges. Tricks that if you love me, then give yourself. Piège que donc, si tu m'aimes, donne-toi à moi. If you love me, undress. Si tu m'aimes, déshabille-toi. We know your tricks. Nous connaissons vos pièges. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? Yeah. I'm delivering somebody. Je suis en train de délivrer quelqu'un. From evil. Du mal. Wow. Temptations. Et tentations. Temptations. Et tentations. To sleep. Au coucher. With a lot of people. Avec plusieurs and personnes. Boys, et les garçons. You shouldn't sleep with a lot of people before you marry. Tu ne dois pas coucher avec plusieurs personnes avant le mariage. It's possible to stay pure. C'est possible de rester pur. It's possible. C'est possible. It's possible. C'est possible. It's possible. C'est possible. And it's nicer. Et c'est plus beau. When you stay pure, quand tu restes pur. Until you are getting married, jusqu'à ce que tu te maries. See, that is beautiful. Tu vois que c'est beau. It's nicer. C'est très beau. Yeah. You will have a lot of heartbreaks. Tu auras beaucoup de cœurs brisés. When you start now. Quand tu commences maintenant. Some of you, you haven't started. Certains d'entre vous, vous n'avez pas encore commencé. You are thinking of starting. Vous êtes en train de penser à commencer. Please don't start. S'il te plaît, ne commence Because pas. When you start, you can't stop. Parce que quand tu commences, tu ne peux pas arrêter. You can't stop. Tu ne peux pas arrêter. Yeah. The Bible says that our bodies are the Holy Spirit. La Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. And you cannot use the temple of the Holy Spirit to become a body of a harlot. Tu peux le corps d'une prostituée. You can't use it. Tu ne peux pas le faire. So stay pure. Donc reste pur. Daughter, stay pure. Fille, reste pur. Stay pure. It's possible. Reste pur. C'est possible. It's possible. C'est possible. Don't be deceived. Ne sois pas trompé. Don't be tempted. Ne sois pas tenté. Don't let any boy. Ne laisse aucun garçon. Any man. Aucun homme. Deceive you. Te tromper. And take all the necessary measures. Et prends toutes les mesures nécessaires. All the necessary measures. Toutes les mesures to nécessaires. To prevent all the boys. Pour empêcher tous les garçons. To touch your body. De toucher ton corps. Is it possible? Est-ce que c'est possible? Yeah, it's possible. C'est possible. You have the capacity. Tu as la capacité. Yeah, you have the capacity. Tu as la capacité. Yeah. Also, that when Beloveds, when somebody starts a beloved dozing. La plupart du temps, quand une personne commence la relation des bien-aimés, yeah, we say that the woman has the power. Nous disons la fille a la puissance. To stop fornication. D'arrêter la fornication. Yeah. When people are in a relationship and they fornicate, the fault is the girl. Quand les personnes sont dans une relation et forniquent, la faute revient à la fille. Because you have the capacity to stop it. Parce que tu as la capacité d'arrêter. We are not saying that the boys cannot. On ne va pas dire que le garçon ne peut pas. But you are more stronger. You are stronger. Tu es plus in fort the relationship to dans stop la relation fornication. Pour arrêter la fornication. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Do you understand what I mean? Vous comprenez ce que je dis? And that one stop, it starts from when you make sure that the person, no touching. Et ça no arrive, touching. C'est quand tu t'assures que la personne ne te touche pas. No touching. Pas de toucher. From the first, no touching. Depuis le premier jour, pas de toucher. From the first day, no together, two of you together in the same room. Depuis le premier jour, pas vous deux dans une seule chambre. Yeah, those who are in a relationship. Ceux qui sont dans les relations. No, the two of you stay together. Pas les deux de vous restez ensemble. God has not approved. Dieu n'approuve pas cela. Don't put yourself in a position where you are tempted. Ne te mets pas dans une position où tu seras tenté. Hallelujah. Amen. This one is Bible, oh, it's Bible. Ça c'est la Bible. I'm preaching the. Je prêche la Bible. Yeah. Christian living. Christian living. La vie des chrétiens. Yeah, Christian living. This one teach on Christian living. Là, j'enseigne sur how la vie to live as a Christian. Comment vivre en tant que keep chrétien? Keep as a Christian. Comment te conserver Hallelujah. Chrétien? Amen. One of the problems, we are all young here. Nous sommes tous jeunes ici. And one of our main problem is the problem. Et notre problème principal, c'est celui-là. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Main problem. Relationship, principal, sex, les relations, le sexe, ceci, cela. It's not too money. It's not about money. C'est pas vraiment l'argent. It's relationship. Ce sont les relations. If you have the two young people, you have problems when you check. It's relationship. Si tu vois deux jeunes gens, les problèmes, c'est quand tu vérifies, c'est les relations. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. Yeah. Yeah. So ladies. Donc les filles. Please don't be tempted. S'il vous plaît, ne soyez pas tentés. We come from cultures or environments where you have to sleep with a lot of people. Vous savez, nous venons des cultures ou des environnements où nous devons coucher avec plusieurs personnes. Is it true or not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Sleep with this person, they okay. You are pregnant. Sometimes you do abortion here and there. Tu vas coucher avec celui-là et parfois tu es enceinte et tu vas voir que tu vas faire tu vas avorter. Then your life is complicated. Et ta vie se complique. Then you have a baby. Et you finish enfant. School. You have to go to school. Tu n'as pas fini l'école. They have to work. L'école. Okay, the boy say no, it's not for him. Le garçon a dit non, ce n'est pas lui. Because you are also going after this boy. Parce que tu poursuis aussi ce garçon. Why do you want to complicate your life now? Pourquoi est-ce que tu veux compliquer ta vie maintenant? Why? Pourquoi? Don't complicate your life. Ne complique pas ta vie. And you know, that it even breaks the foundation for your marriage. Ça brise même la fondation pour ton mariage. Yeah. Breaks. Hallelujah. Amen. Are you with me? Et avec yeah. Me. Yeah. As a lady, you are like an apple. En tant que fille, tu es comme une pomme. Do you know an apple? Est-ce que vous connaissez une pomme? Apple. Une pomme. That a lot of people have bite. Que plusieurs personnes ont croqué, ont mordu. This one will bite here. Celui-là this va one will bite here. Ici, l'autre va this one will bite this side. Celui-là va croquer de ce côté. Can you imagine how it will look like? Vous pouvez imaginer à quoi ça va ressembler. Yeah. You're like apple. Je suis comme une pomme. So don't let anybody come bite the apple. Donc ne laisse pas n'importe qui venir croquer ta pomme. Because some of them, their teeth are long. Parce que certains d'entre eux, ils ont de longues dents. Their teeth are yellow. When it bites, you see that the side. Leurs dents sont très longues. Donc. And you see that when you have a bite, a lot of people are biting the apple. Et tu vois que quand plusieurs personnes ont mordu dans la pomme, the apple is going to go and marry some. Et la pomme va aller nice épouser quelqu'un. It's not nice. C'est pas joli. Hein? C'est pas Boys, joli. Do you like an apple that everybody has? Est-ce que vous voulez une pomme que tout le monde a croqué? An apple that everybody has bitten some. Oh! Une pomme que some pomme of them are côté. Long. Certains ont leurs pommes, leurs dents sont très longues. Oh! It's bad, it's bad, it's c'est bad. Mauvais. It's bad. C'est mauvais. Wow, are you blessed? Êtes-vous béni? So this temptation. Donc cette tentation. Tonight, God is giving you the capacity. Ce soir, Dieu te donne la capacité, ability, l'habileté of the Holy Spirit, du Saint-Esprit, to overcome, de surmonter. You will not sleep with anybody. Tu ne vas pas coucher avec n'importe qui. Till you marry. Jusqu'à ce que tu te maries. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. God is giving you the ability, the capacity. Dieu te donne la capacité. The power. La puissance. To say no. pour dire don't non. Touch me. Ne me touche pas. Don't touch me. Ne me touche pas. Please, don't touch me. S'il excuse te plaît, me. Ne me touche pas. Excuse me. Excuse-moi. Please, if you respect yourself, excuse me. S'il te plaît, si tu te respectes, excuse-moi. The boy or the man. You tell the boy or the man. Le au garçon ou au monsieur. If you respect yourself. Si tu te respectes toi-même. Please, if you respect yourself. S'il te plaît, si tu te respectes. S'il te plaît. Move your hand. S'il te plaît, retire ta main. Retire-toi. Yeah. That's what you tell him. C'est ce que tu lui dis. You are, as I told you before, you are young, you are beautiful. Comme je t'ai dit auparavant, tu es you have tender jeune eyes. Et tu es belle. Tu as des yeux. Tendres. God will bring somebody to you, marry. Dieu va t'apporter quelqu'un qui va te. No pousser. Lady here will not stay married. Everybody. Aucune fille ici ne va rester célibataire. Toutes vont se marier. Yeah. So don't be afraid. Donc n'aie pas peur. You are afraid. So oh, if I leave this boy, I won't get anybody to marry. You will get somebody. Tu as peur que oh, si je laisse ces garçons, personne ne va m'épouser. Non, tu vas trouver quelqu'un you qui va t'épouser. Tu vas trouver. Yeah. You get. Hallelujah. Amen. Amen. Are you here? Yeah. That brings me to the next temptation. Cela m'amène à la prochaine the tentation. The temptation to be fearful. La tentation d'être apeuré. Yeah. Apeuré. Fearful. Yeah. Temptation to be fearful, to be afraid. La tentation d'être apeuré ou d'avoir peur. Yeah. Temptation to be afraid. La tentation d'avoir peur. Yeah, as a lady, you'll be afraid of a lot of things. En tant que fille, tu auras peur de plusieurs choses. Yeah, and the first thing, like you won't get a husband. Et la première, c'est que tu n'auras pas de mari. You're afraid that you won't get a husband. Tu as peur de ne pas avoir un mari. Some nice boy has come. Un bon garçon est venu. Yeah, nice boy. Très bien. And want to sleep with you. Et veut coucher avec toi. They are thinking that, hey, if I leave him, et tu penses que, oh, si je le laisse, if I don't give myself, si je ne me donne pas, I'll not get anybody again. Je n'aurai plus personne. You're afraid. Tu as peur. So you give yourself to him. Donc, tu te donnes à lui. Yeah. Don't be afraid. N'aie pas peur. You will get somebody. Tu vas avoir quelqu'un. Yeah. The moment the person says he wants to sleep with you, you know that it's not the will of God. Le moment où la personne va te dire, je vais coucher avec toi, tu sauras que ce n'est pas la volonté de Dieu. It's not the will of God. C'est so you should go. Dieu, donc il doit the will of God will come. La volonté de Dieu va venir. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. So you have a lot of fear. Donc vous avez plusieurs peurs. Plusieurs peurs. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapter 1. 2 Timothée. 2 Timothée. Are you blessed? Yes. Do you like the word of God? Aimez-vous le message? Yeah. God is delivering you with the word of God. He's saving you. He's making you a proper Christian. Il te fait être un chrétien, and he's giving you direction, wisdom. Il te donne la sagesse. Hallelujah. Amen. You will have wisdom through tu the word. La sagesse à travers la parole. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous yeah. avec moi? 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothée 1, 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love. And of a sound mind. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Yeah. In French, timidity is fear. It's the same as fear. On dit la timidité. Est-ce que c'est la même chose it's que the la same peur? As fear. Est-ce que c'est la même chose que la peur? Yeah. Somehow. In English, fear is a demon. En anglais, la peur est un démon. A certain fear. Une certaine you peur. Shouldn't take a decision based on fear. Tu ne dois pas prendre une décision basée because sur the devil peur. Is directing you to take that decision. Parce que c'est le diable qui te pousse à prendre cette décision. You understand? So, the moment is like, you are afraid to stop it. Le moment où tu vas dire, oh, tu as peur de, arrête ça. Yeah, like somebody comes to propose to you. Comme une personne vient te proposer, faire une proposition. Then you are afraid. You have. There's some fear. Et il y a une certaine you are not, peur. You don't feel comfortable. Tu te sens don't pas take à l'aise. The decision. No. Que tu so that you see that you'll be free. Tu vas voir que tu seras libre. Oh? Yeah. Fear. La peur. Fear. God la has peur. Not given us a spirit of fear. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance and of love et d'amour. And sound mind. Et de sagesse. When you are afraid, you don't think properly. Quand tu as peur, tu ne penses pas correctement. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So fear will come. Donc la peur va arriver. There are a lot of fear. Let me give you an example of fear. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Fear of not getting married. La peur de ne pas se marier. Fear of not having a child. La peur de ne pas avoir un enfant. After you married, are you afraid that you don't have a child? Maintenant, tu as peur de ne pas avoir un enfant. Fear of marrying the wrong person. La peur d'épouser la mauvaise personne. Some of you are having those fears already. Fear of poverty. La peur de la pauvreté. And financial difficulties. Et les difficultés financières. Yeah. You are afraid this person is rich. Tu as peur que cette personne est riche. Hey, your father is saying that, oh, Marie is rich. Et ton père dit, Marie-le, il est riche. Because you are afraid of poverty. Parce que tu as peur de la pauvreté. Because you are afraid of poverty. Parce que tu as peur de la pauvreté. See that you are marrying the person. Tu vois que tu the wrong person. La mauvaise personne. Hallelujah. Amen. Fear of your husband becoming interested in someone else. La peur que ton mari s'intéresse à quelqu'un d'autre. Hey, those who are married. Ceux qui sont mariés. Hallelujah. Amen. Yeah. Fear of your children not doing well. La peur que tes enfants ne réussissent pas. Fear of your husband not loving you anymore. La peur que ton mari ne t'aime plus. Fear of becoming a widow. La peur de devenir veuve. Fear of your in-laws. La peur de tes beaux-parents. Fear of in-laws. La peur de beaux-parents. Fear of not being liked by others. La peur de ne pas être aimé des autres. A lot of you, some of you, you're afraid people don't like you. Plusieurs d'entre vous avez peur que les gens ne vous aiment pas. Yeah. Some people leave the church because of that. Certains quittent l'église à cause de ça. Fear of being mistreated in the future. La peur d'être maltraité dans le futur. Fear of giving everything and losing all. La peur de donner tout et de perdre tout. Yeah. Fear of experiencing what you have seen happen to us. La peur d'expérimenter ce que tu as vu arriver aux autres. Yeah. Fear of investing your everything into the marriage and losing it all. La peur d'investir tout ce que tu as dans le mariage et perdre tout. Wow. Ladies. Les filles. Have you seen the different type of fears? Vous avez vu les différents types de peurs? Yeah. It happens. Ça arrive. It happens. But tonight. Mais ce soir. Don't be afraid. N'aie pas peur. God has not given you a spirit of fear. Dieu ne t'a pas donné but of power, mais de puissance, of love, d'amour, of sound mind. Et de sagesse. Don't be afraid. N'aie pas peur. The moment you are afraid, don't say, hey, Satan is coming. Le moment où tu as peur, dis, oh, Satan est en train de venir. And forget it. Et oublie cela. Hallelujah. Amen. Yeah, I used to be afraid. J'avais peur avant. Yeah, I used to be very afraid. J'avais très peur. That I would die. Que je vais mourir. When I sleep. Quand je dors. Then I'll put my hand here. Je vais mettre ma main ici. Then I'll see my heart will be. Et je vais sentir mon cœur battre. Is it beating properly? Et je vais dire, oh, it's like my heart's not beating properly. C'est comme si mon cœur ne bat pas correctement. No, but it's true. Non, mais c'est vrai. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. I was afraid. J'avais peur. Now, I can't sleep. Je vais voir que oh, je pouvais pas dormir. Yeah, but one day Bishop taught me something. Mais un jour, l'évêque m'a enseigné quelque chose. Yeah. He preached a message. Il a prêché un message. He said, when you are afraid of something, quand tu as peur de quelque chose, think about the thing ending, the end of the thing. Pense à la fin de la chose. You see that the fear will go. Tu vas voir que la peur va partir. Amen. Yeah. You know, anything that you don't know about, you are afraid of it. Quelque chose dont tu ne sais pas, tu as peur de ça. Yeah. So, the example, I was afraid to die. Exemple, j'avais peur de mourir. So, what he's saying is that think that you are dead. Donc pense que tu es déjà mort. If you are dead, you are going to heaven. Mais si tu meurs, tu vas au ciel. And what is in heaven? Is there a bad thing in heaven? Est-ce qu'il y a une mauvaise chose là-bas? Since that day, my fear vanished. Donc depuis ce jour, ma peur s'est évanouie. I should die. Let me die. J'ai dit Dieu, je dois mourir. Laisse-moi when mourir. I die, it's finished. Quand je meurs, c'est fini. Yeah. Since that day, the fear is gone. Depuis ce jour, la peur est partie. Yeah. All this trouble in the world. Tout c'est toutes ces difficultés. So if I'm afraid to die, I should die. Let me see. Okay, I'm dead. I'm dead. When I die, what happened? I'll go to heaven because I'm saved. And donc that's je all. Avoir, it's finished. Je suis mort, et si je street meurs, of gold. There's no crying. There's no difficulty in heaven. Il y a des rues en or. And my fear is gone. Des difficultés au ciel. Et ma peur est partie. It's gone. C'est parti. Yeah. Don't be afraid. N'aie pas peur. You'll not die. tu ne vas pas mourir. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Amen. So, daughters, donc, filles, overcome the temptation to be afraid. Surmonter la tentation d'avoir peur. Hallelujah. Amen. The men, are you learning something? Les hommes, est-ce que vous apprenez quelque chose? The temptation to be proud. La tentation d'être orgueilleuse. Yeah. Daughters. Les filles. You are tempted to be proud. Tu es tenté à être orgueilleuse. C'est une tentation. Lot of ladies here are proud. Plusieurs filles ici sont orgueilleuses. It's not a temptation, they are inside already. C'est pas une tentation, mais c'est déjà à l'intérieur. Yeah, they are already proud. Elles sont déjà orgueilleuses. Yeah, it's not a temptation. C'est pas une tentation. Hey, are you proud? Look at the next nearest lady. Regarde la fille la plus proche. Are you proud? Demande-lui, tu es orgueilleuse? It's bad. C'est mauvais. Yeah. Don't be proud. Ne sois pas orgueilleuse. Yeah. It's not good. God will resist you. C'est pas bien. Dieu va te résister. You see that everything you are doing will not work. Tu vas voir que tout ce que tu fais ne va pas marcher. Yeah. If you take pride into marriage. Si tu amènes l'orgueil dans le mariage, you will destroy the marriage. Tu vas détruire le mariage. Yeah. You have to be humble. Tu dois être humble. Quiet. Calme. And gentle, sweet spirit. Avoir un esprit paisible. Yeah. Gentle. Douce. Yeah. To be gentle. Être douce. Quarrelsome. This. Que those who fight, they are always proud. You see that somebody who is fighting is proud. Tu vois quelqu'un qui se bat est orgueilleux. Mm. All the time, argument is pride. Tout le temps, les arguments, ceci, cela, c'est l'orgueil. Mm. You see, the humble will say, oh, okay, no problem. I'm sorry. Okay, it's okay. I'm sorry. Quand ça va arriver, il va dire, non problème. The humble. Je suis désolé. That, oh, I'm not. It's right, oh, it's not wrong. I'm not wrong, but I say, oh, please, sorry, I'm sorry, please. Let's end it. Je vais dire, non, désolé. That's somebody ici. Who is humble. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. But a person who is proud, mais quelqu'un qui est orgueilleux, when it's even wrong, même quand he said, il a non, look at my dress. Regarde mes habits. From where? Pierre Cardin. Pierre Cardin. Look at my shoes. Regarde ma chaussure. Why will you do that to me? Pourquoi est-ce que tu you know where I come from? Tu sais d'où je viens? Do you know my father? Tu connais mon père? My father is Bill Gates. Mon père c'est Bill Gates. We have a lot of money. On a beaucoup d'argent. But you poor. Mais toi pauvre. Yeah. Pride. L'orgueil. Always thinking about status. Pense toujours au statut. Why should you do that to me? Pourquoi est-ce que tu dois me faire ça à moi? Wow. So, ladies, sometimes because of their beauty. Donc les filles parfois à cause de leur beauté. The things that they have. Les choses qu'elles ont. Elles ont quelques cheveux brésiliens. Nobody can talk to them. Personne ne peut leur you parler. You can't talk to them. Tu peux pas leur parler. What is it? Ça c'est quoi? Go to the mortuary. You see that madman that died. Ce fou qui est mort. His feet is in your mouth. Ses pieds sont dans ta bouche. Will be in your mouth. Ses pieds seront dans ta bouche. Comme ça. Et tu vois que tu n'es rien. We are all in the mortuary. Nous sommes tous dans la morgue. And somebody's foot is in your mouth. Et les pieds de quelqu'un sont dans ta bouche. On your nose here. Quand on est ici. Là, ah, you are proud ici. Tu vas voir que tu es orgueilleuse. Tu vois, pour rien. No, it's the truth. C'est la vérité. We are nothing. Nous ne sommes rien. So don't be proud. Donc ne sois pas orgueilleux. Don't be proud. Ne sois pas orgueilleux. Be humble. Sois humble. Hallelujah. Amen. Yeah. The temptation of the temptation to be unforgiving. La tentation de ne pas pardonner. Yeah. Ladies are unforgiving. Les filles very. Sont très rancunières. Yeah. Very. Très, très. When they get you. Quand elles t'attrapent. Yeah. Bishop says that ladies' heart is like this. L'évêque dit que le cœur des filles like sont comme ça. So when the thing comes, he has to go inside. Donc quand so la it's chose not easy vient, to... ça va aller à l'intérieur, donc c'est pas facile de pardonner. It's not easy. Ladies, pas facile. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Is it true or is not true? You don't want to admit. It's true. Je ne veux pas admettre, c'est vrai. So forgive, forgive. Donc pardonne. Tell your neighbor forgive. Dis à ton voisin pardonne. Forgive. Pardonne. Because God will not hear your prayer. Parce que Dieu ne va pas écouter tes prières. If you don't forgive. Si tu ne pardonnes pas. Yeah. Remember your sins. Souviens-toi de tes péchés. Your many sins. Tes nombreux péchés. But God has forgiven you. Mais Dieu te les a pardonnés. But when you forgive. Donc quand tu pardonnes. You can make it. Tu peux y arriver. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Yeah. The temptation to follow material things. La tentation de suivre les choses matérielles. Toi. Cela. Materialism. Materialisme. Yeah, ladies. Material things. Le matériel. You should for spiritual things. Tu dois chercher les choses spirituelles. Material. Matériel. Yeah. These days, the young ladies. Ce jour, les jeunes filles, they are bouncing a lot of boys. Elles rejettent plusieurs garçons. Because of material things. À cause des choses matérielles. They are rejecting. Elles repoussent. Hallelujah. Amen. Yeah, by the way, I want to remind you. Most of you are not ready for marriage. Plusieurs d'entre vous ici ne sont pas prêtes pour so le mariage. Donc ne commence pas. It's a good idea. Est-ce que c'est une bonne idée? Yeah. This is the time to prepare yourself. C'est le temps de te préparer. This is the time to get wisdom. C'est le temps d'acquérir la sagesse. Before you start. Avant que tu commences. It's a good thing. Est-ce que c'est une bonne chose? You give yourself some 6 months, 1 year. Donne-toi toi-même 6 mois, now, 1 an. Always come to church. Come to church. Toujours viens à l'église, viens à l'église. You see that your way of thinking will change. Tu vas voir que ta façon de and the way you say things will change. La façon dont tu vois the les girls that you are seeing today, they are attracting you. Les filles que tu vois aujourd'hui qui t'attirent. 1 year after, you see that this person is a strange person. Un temps plus tard, tu vas voir que cette personne là, c'est une personne étrangère. You see that cette they have changed, class. Tu vas voir que la chose a changé carrément. You continue to come, continue to come. Tu vas continuer à venir. Little by little. Petit à petit. Yeah. See that you are getting wisdom. Tu vas voir que tu vas acquérir la sagesse. To choose. De choisir. To identify. Ou identifier. You'll be attracted to the right person. Tu seras attiré à la personne correcte. Yeah. Because there are a lot of strange persons around. Parce qu'il y a plusieurs personnes étranges. Strange. Étrangères. Marminou. Yeah, strange. Étrangère. So give yourself 1 year. Donc donne 1.5 years. 6 mois, 1 an, yeah. 1 an et demi. Or maybe say that, let me give myself the rest of my years of my studies. Tu peux te dire que ok, je me donne le reste du temps de mes études. And you come to church. Et viens à l'église. Listen to the word. Écoute la parole. Listen to the word. Écoute la listen parole. To the word. Écoute la parole. Listen to the word. Écoute la parole. Your thinking will change. Ta façon de penser va changer. The way you say things will change. La façon dont tu vois les choses va changer. All of you, I recommend yesterday, ES message. Yeah, vous tous, je vous recommande le message de ES d'hier. Yeah, go and listen to it. Allez-y l'écouter. She has a podcast. Elle a le podcast. Get the podcast, listen to the message. Et le podcast et écoute le message. Yeah, it's about a strange woman. Ça parlait de la femme étrangère. And a strange man. Et l'homme étranger. A lot of people are strange. Beaucoup de personnes sont étrangères. But you don't know. Mais tu ne vas pas savoir. But when you listen to it, you know. Mais quand tu écoutes le message, tu vas savoir. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Can we close? Pouvons-nous terminer? Can we close? Pouvons-nous terminer? Can we close? Pouvons-nous arrêter? Let's read this verse. Lisons ce verset. Then we close. Et nous allons terminer. Luke chapter 12 verse 15. Luc 12, verset 15. Hey, Charlie, I've spent a lot of time. I hope you are blessed. Yes. You like the word. J'espère que nous sommes bénis. Luc chapter 12, verse 15. Luc 12, verset 15. 12, 15. Luc 12, verset 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesses. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Wow. That's it. A man's life does not consist of the abundance of the things which he possesses. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Hallelujah. Yeah, material things is a deception. Les choses matérielles sont une déception. Yeah, it will not give you happiness. Ça ne va pas te donner la joie. Yeah. You are not happy. Oh, I don't have the uniform of the choir, so you are not happy. Oh, je n'ai pas l'uniforme. La tenue when de you la get chorale, the uniform, et donc tu n'es pas contente. Mais quand tu auras l'uniforme, you see that somebody looking at you. Donc tu vas voir que quelqu'un sera en train de te regarder. You see that all your happiness is gone. Et tu vas voir que toute ta joie est partie. Oh, you say, oh no, me, I don't have this shoe. I want to buy the shoe. When I buy the shoe, then I'll be okay. You go and buy the shoe, and somebody will come and step on it. Et tu vas voir and que, see oh, that the happiness is gone. Oh, je n'ai pas cette chaussure, je veux cette chaussure. Tu vas acheter la chaussure, et quand tu l'auras, tu vas voir que quelqu'un va venir marcher dessus, et tu verras que toute ta joie est partie. Yeah, happiness is not in things. So. La joie ne se trouve pas dans les choses. Yeah, if you don't know today, start from today and tu see. Tu ne sais pas, commence à partir d'aujourd'hui. Like, voilà. Oh, you want to buy something. Tu veux acheter quelque chose. I need this thing. J'ai besoin de when cette I chose. Buy it, I'll be okay. Quand je l'achète, je serai ok. Va l'acheter. When you finish, you know, ah, somebody, something else will be, oh, if I, this one. Quand tu vas finir, tu vas voir qu'il y aura quelque chose dans, oh, si j'ajoute ceci. If I add it, then my joy will be full. Si j'ajoute cela, ma joie sera complète. You add it, then something else will be looking at you. Tu vas ajouter et tu vas voir que quelque chose d'autre va te regarder. Yeah. So, it's a temptation. Donc, c'est une tentation. To trust in material things. Faire confiance aux choses matérielles. And for ladies, the temptation for you. Et les filles, c'est une tentation pour vous. Maybe men is not a temptation. Peut-être les hommes, c'est pas une tentation. Yeah. Yeah. And that's what guides to accept proposals voilà. And give up our bodies. Voilà. Sometimes that's what guides us to accept proposals from men. Et voilà pourquoi les garçons doivent accepter. No. I said that's why sometimes guides the ladies to accept the proposal from men. Voilà pourquoi parfois ça guide les filles, ça influence les filles à accepter des propositions de certaines personnes. Yeah, because you look at the possessions. Parce que tu regardes les possessions. The car key, la voiture, the money, la clé de la voiture, l'argent. By your life. Mais ta vie. The happiness for your life. La joie pour the joy you are looking for la joie que tu recherches is not in the material things. Ne se trouve pas dans les choses matérielles. It's in Jesus Christ. C'est en Jésus Christ. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? Please start your feet. Levez-vous, s'il vous plaît. We'll continue next week. On continue la semaine prochaine. Are you blessed? Êtes-vous béni? Temptations of our daughters. Les tentations des filles. The temptations. Les tentations. Close your eyes and pray. Ferme tes yeux et prie. That God will give you the power to overcome temptations. Que Dieu te donne la puissance de surmonter les tentations. Temptation to be fearful. Tentation d'avoir peur. There are some people here who are very afraid. Il y a certaines personnes ici qui ont très peur. You are a lady. Tu es une fille. You are always afraid. Tu as toujours peur. Tonight, God wants to deliver you. Ce soir, Dieu veut te délivrer. And I want you to start to pray. Donc, je veux que tu commences à close prier. Your eyes and pray. Ferme tes yeux et prie. Don't be afraid. N'aie pas peur. Don't be afraid. N'aie pas peur. God is your protector. Dieu est ton protecteur. You will not die. Tu ne vas pas mourir. You will not die. Tu ne vas pas mourir. You will succeed. Tu vas réussir. You will not fail. Tu ne vas pas échouer. You will do well in this life. Tu vas réussir dans cette you vie. Will marry one day. Tu vas te marier. You will be rich one day. Tu seras riche. You will not be poor. Tu ne seras pas pauvre. Pray. God is delivering you. Dieu te délivre. As you are praying, God is doing something prie, now Dieu fait quelque in chose your heart. Dans ton cœur. Because the Bible says God has not given us a spirit of fear. Parce que Dieu dit qu'il nous a pas donné l'esprit de peur, but of power. Mais de puissance. So he's giving you power now. Te donne la puissance. He's taking maintenant. Away fear. Il enlève la and peur. He's giving you power. Il te donne la puissance. And he's giving you love. Il te donne l'amour. He's giving you sound mind. Il te donne la sagesse. In the name of Jesus. God is delivering you. In the name of Jesus. If you are afraid. If you are afraid. God delivers you tonight. Don't be afraid. Because God is your protector. And is your provider. He will provide for you. You will not die. You will do well. In the name of Jesus Christ. Maybe you come from a family. People don't do well. Family members don't do well. Your brother didn't do well. Your sister didn't do well. You come from a family. Nobody is married. So you are afraid that you will not marry. But tonight, you are a new creation. And God is delivering you. You will marry. You will succeed. You will finish your studies. You will get a job. You will not sleep with men. You will not sleep with women. But you will wait to get to that day when you marry. In the name of Jesus Christ, God is doing something now in your life. In the name of Jesus Christ, oh, don't be afraid. Don't be afraid. Your God is your shepherd. You shall not want. He will lead you in greener pastures. He will guide you. He will provide for you. He will protect you. He will make you succeed. You will pass all your exams. You will get a job. You will work one day. You will drive a car one day. You will marry one day. You will have children one day. In the name of Jesus Christ, you will be rich one day. You will prosper. You will prosper. Don't be afraid of poverty. Don't be afraid, because God will prosper you. God will make you successful. In the name of Jesus Christ. Oh, you are different from your family members. You are different from your family members. You are a child of God. In the name of Jesus Christ. You are a new creation. Everything is new. Oh, hallelujah. I just felt the Spirit is telling me. Some of you, already you slept with a lot of people. Vous avez déjà couché avec plusieurs personnes. A lot already. Plusieurs déjà. And you are just 20. Et tu as juste 20 or you are ans. Just 22. Ou tu as juste 22 ans. But tonight, mais ce soir, Bible says that those that are in Christ, they are a new creation. Sont une nouvelle créature. And I want you to close your eyes. Je veux que tu fermes tes yeux. As a lot of people, si tu as couché avec tonight personnes, ce soir, will be the beginning sera le commencement of a new page. D'une nouvelle page. God will make you as a virgin from now. Il va te rendre vierge. You are becoming a virgin. Tu deviens vierge. If you are born again, si tu es né de nouveau, you are a virgin in the spirit. Vierge dans l'esprit. And from now on, et de maintenant, you will not give yourself to anybody. Tu ne vas plus te donner à quelqu'un. And God will keep you. Et Dieu va te garder. In the name of Jesus. I want you to close your eyes. Que tu fermes tes yeux. And pray. Et prie. From today, if you are born again, si tu es né de nouveau, you realize that mais tu as réalisé you have slept que a lot of people. Tu as couché avec plusieurs personnes. I want you to pray. Je veux que tu pries. And commit your body into the hands of God. Et remets ton corps entre les mains de Dieu. And ask for the blood et demande le sang to cleanse you, de te laver, to make you a virgin, de te rendre vierge. Now. Maintenant, in the name of Jesus, Jésus, that from today you are not going to give yourself to anybody. Tu vas plus te donner à qui que in the soit, name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh Lord, we thank you. Father, we bless you. Father, we pray and we ask. Lord, cleanse. Lord, remove that stigma on us. Some of us who have slept with a lot of people. Lord, remove it. Remove that condemnation. Remove. In the name of Jesus Christ, from tonight, we are new creation. As 2 Corinthians chapter 5 verse 17 said, we are new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Father, from tonight, all those people are new people. New people. New creation. New creation. New creation. New daughters. New sons. In the name of Jesus Christ, we are no more under condemnation because we have been saved, we have been cleansed, we have been forgiven in the name of Jesus Christ. Father, we thank you and we bless you. Father, we bless you. Everyone here is a new creation. In the name of Jesus. But before we sit down, maybe you haven't given your life to Christ. You haven't. You don't even understand. And tonight I want to give you the opportunity that if you believe in Jesus and you confess Him, God will give you a new life. God will make you a new creation. All things are passed away. Toutes les choses sont passées. All the things that are in your life are passed away. Les choses anciennes sont passées. You become a new person. Tu deviens une nouvelle personne. You haven't given your life to Christ. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Maybe you are not even sure. Peut-être tu n'es même pas sûr. Tonight, I want to give you the opportunity. Je veux te donner l'opportunité. Give your life to Christ. De donner ta vie à Christ. To receive salvation. Mais de recevoir le salut. To receive a new life. Recevoir une nouvelle vie. A new beginning. Un nouveau commencement. If you are here, tap your hands. Tu es ici, lève la main. Pray with you. Et je vais prier avec toi. Lift up your hands and give your life to Christ. Lève ta main et donne ta vie à Dieu. To start. Pour commencer. You know yourself. Nobody. I don't know you, but you know yourself. Je connais, moi je you know that pas. You have not taken that decision. Tu sais que tu n'as pas encore pris cette décision. To give your life to Christ. De donner ta vie à unless Dieu. You are born again. À moins que tu sois né de cannot nouveau. See the kingdom. Tu ne peux pas voir le but royaume. But tonight you say, oh pastor, I believe in Christ. Mais ce soir tu veux dire, pasteur, I want je to crois give my life. Jésus-Christ. I want to change. Je veux donner ma vie. Je veux changer. I want to follow Jesus. Je veux suivre Jésus. I want to serve God. Je veux servir I Dieu. Want to commit my life to God. Je veux donner ma vie à Dieu. Tonight, I want to pray. I pray with you. Je vais prier avec toi. Lift up your hands. Lève ta main. And let's pray. Lift up your hands. Lève if you are, that person, lift up your hands. Lève I ta can main. See. I can Je see. I can voir. See anybody. I want to bless you. Is anybody? Is anybody? You want to give your life tu to Christ? Que you have it. You know you are far away from God. Tu sais que tu es très loin de Dieu. Is there anyone? Y a-t-il quelqu'un? Is anyone? Close your eyes. Is there anyone? Fermez vos yeux. Y a-t-il quelqu'un? Is there anyone? Y a-t-il quelqu'un? I feel that there's somebody. I feel that there's. Je ressens qu'il y a une personne. I feel that there's some. Don't Je go. Don't go home. Don't go home if you, have, you know you have to give your life to Christ. Tu sais que tu dois because we don't know what will happen. Parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Don't go home. Ne rentre pas à la maison. God is calling you. Dieu t'appelle. God wants to save you. Dieu veut te sauver. God wants to give you a new life. Dieu veut te donner une nouvelle vie. A new beginning. Un nouveau commencement. If you are that person, just come. Si tu es cette personne, viens juste. Come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. I know there's somebody. Je sais qu'il y a quelqu'un. I know. I feel within me. Je le sens en moi. There's somebody. Il y a quelqu'un. Don't go home. Ne rentre pas à la without maison. Without Christ tonight. Christ. Don't go home. Ce soir. You may never know what will happen. Je ne sais jamais you ce qui va se passer. Know. Je ne sais jamais. Father, we bless you. Seigneur, Father, we thank you. In the name of Jesus. And everyone say amen. Amen.